voix s'éteignent, vos temples tombent. Chaque mensonge, j'efface dans l'ombre. Rider skill, vrai, vrai. Un feu sacré que rien n'éteint. Jamais, jamais. Flames will never die. Rider skill stands, I still rise. Through the dark, my fire remains. Breaking lies, I cut the chains. Truth in flames will never. Trahis leur chemin, des idoles mortes, ils guident leurs pas, leurs faux prophètes ne valent pas. Moi je marche droit, lourd et précis, chaque cicatrice forge mes écrits. Pas de ce qu'ils tracent, franc et loyal, un souffle vrai, un cri brutal. Truth in flames will never. Vos foules suivent des reflets creux, des ombres vaines, des rois honteux. Mais quand le temps balaye vos chaînes, chaque idole tombe, chaque voix s'éteigne. Moi je forge ma route sans détour, chaque vérité devient mon jour. Redis qu'il marche, froid et léger, un feu sacré que rien n'est invite. Truth in flames will never die. Rider skill stands, I still rise. Through the dark my fire remains. Breaking lies, I cut the chains. S'éteignent dans ma lumière, chaque attaque nourrit ma pierre. Je suis le bloc, l'acier, le roc. Rallez ce qu'il vrai, gravé dans le choc. Chaque trône tombe, vos voix s'effacent. Chaque mensonge finit en traces. Des générations suivent sans voir, aveugle, perdu dans le noir. Moi je reste feu, franc et loyal. Chaque vérité devient arsenal. Rallez ce qu'il vit, clair et précis. Un roc sacré dans vos nuits. Truth in flames will never die. Rider's skill stands, I still rise. Through the dark, my fire remains. Breaking lies, I cut the chains. Truth in flames will never die. Rider skill stands, I still rise. Through the dark, my fire remains. Breaking lies, I cut the chains. Vos temples s'effondrent, vos flammes s'éteignent. Chaque mensonge finit en cendres. Rallez ce qu'il vit, clair et vrai, un nom d'acier, gravé à jamais.